Bilan, page 104. Où vous allez cet été, Marine? On n'a pas décidé, peut-être au Portugal, à Lisbonne. C'est une ville magnifique. Tu crois que les enfants vont aimer ça? Et non, c'est ça le problème. Ils s'amusent plus à la mer qu'en ville. Tu sais, les parents de Patrick arrivent d'Espagne. Ils y sont restés 2 semaines. Ah bon? Oui, ils ont loué une grande maison sur une plage qui est seulement à 12 kilomètres de Grenade. C'est sûrement cher. Pas du tout. Nous, on va en louer une au mois d'août. C'est moins cher que l'hôtel et c'est plus confortable que le camping. Venez avec nous. C'est assez grand pour 2 familles. C'est une excellente idée, Charlotte. Les enfants vont pouvoir se baigner et moi je vais visiter Grenade. Mais est-ce qu'il faut apporter quelque chose pour la maison? Rien. Tu n'apportes que tes vêtements. On y va en avion? Non, en voiture. Oh là là, c'est long! Oui, mais c'est moins cher que l'avion et quand il fait beau, le voyage est agréable.